Chapitre 7e, Guet-apens. Il faut absolument que j'arrive à un résultat, se disait le lendemain Berton. Il le faut, d'abord pour ma satisfaction personnelle, ensuite pour celle de la justice à qui je dois rendre ce service. Il oubliait de dire, et aussi pour mon avancement, qui me permettra d'épouser celle que j'aime. Toute la journée, il élabora des plans, rejetés bientôt comme impraticables. Comment surveiller tout un arrondissement? C'était folie. Le soir vint sans qu'il se fût arrêté à une décision sérieuse. « Allons voir Marthe, cela me donnera du courage », se dit-il. Il se rendit avenue de la gare, mais comme il y arrivait, il aperçut trois hommes dont la tournure le frappa. L'un était assez grand, le second plus petit, le troisième avait presque l'air d'un enfant. Les trois hommes, décrits par Alexandre Bougeon comme les assassins de ses deux sœurs, Denise et Anastasie, ou Amaud et Châtaignier. Il rebroussa chemin et courut après eux. Se voyant poursuivis, ils se mirent eux aussi à courir dans la direction de la forêt. Mais Berton avait de bonnes jambes. Il gagna bien vite du terrain. « Je les tiens !» se dit-il tout joyeux. « Encore un effort et j'en aurai au moins un !» Et il redoubla de vitesse. Encore un effort, il allait les toucher de la main. Mais tout à coup, ses jambes heurtèrent un obstacle. Il s'abattit en avant, la face contre terre. Avant qu'il eût pu se relever, les trois fuyards s'étaient perdus dans la forêt. Il n'était pas sérieusement blessé, mais il avait les mains et le visage en sang, déchirés par les ronces et les cailloux. Il étancha comme il put le sang qui coulait de ses blessures, et comme pour retourner à son hôtel, il lui fallait passer avenue de la gare, il alla frapper à la porte du tailleur. On fut longtemps avant de lui ouvrir. Enfin, Marthe parut, et lui voyant la figure ensanglantée, elle poussa des cris de terreur. « Que vous est-il arrivé ? » demanda-t-elle. « Vous avez été attaqué ?»« Non, c'est une simple chute, » répondit-il, ne jugeant pas à propos de l'initier à sa manœuvre, qui lui avait si mal réussi. « Je voudrais vous demander un peu d'eau pour me laver. Je n'ai pas une tête présentable. »« Entrez, » dit la jeune fille, « je vais appeler maman. » Marthe le suivit dans la boutique qui était déserte et le fit asseoir. « Mère, mère » cria-t-elle. Madame de Coninck accourut. « Qu'y a-t-il ? » C'est M. Berthier qui est blessé. Ah, mon Dieu ! S'écria Mme de Coninck en levant les bras au ciel. Comme vous voilà arrangé. Marthe, cours vite à ma chambre, tu trouveras de l'eau blanche, de l'arnica, pour laver le visage de ce pauvre garçon. M. de Coninck n'est pas là ? Demanda l'inspecteur, pris d'un reste de défiance. Et sa perlotte si fait, me voilà ! Mais je ne peux pas courir à votre secours, mes sacrées jambes s'y refusent. Il voit du tailleur dans la pièce voisine. « Mais, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe ?»« M. Berthier est tombé en courant, » répondit Marthe, qui revenait avec deux fioles et des linges. « Voilà une chose qui ne m'arrivera pas, je vous en réponds, » dit en riant le paralytique. « Vous voyez qu'à quelque chose malheur est bon. Mais venez donc par ici, qu'on vous voit un peu. » Berton pénétra dans la salle à manger où le tailleur était assis sur son fauteuil, les jambes inertes, pendantes, et à côté de lui son fils Jean avec ses énormes lunettes. Marthe et sa mère lavaient les blessures de l'inspecteur, des déchirures peu profondes. Elle voulait y appliquer des bandes de taffetas d'Angleterre, mais il s'y opposa, disant qu'il ne voulait pas paraître défiguré et enveloppé comme une momie d'Égypte. Quand le pansement fut terminé, le tailleur voulut absolument que Berton prît part à leur repas. L'inspecteur eut beau dire qu'il n'avait pas faim et n'avait besoin que de repos, il dut céder et se mettre à table. Il mangea peu, car la fièvre commençait à le gagner. Au bout d'une demi-heure, il s'excusa et prit congé pour aller se coucher. Il eut un sommeil lourd, peuplé de cauchemars. Il se voyait sur la piste des bandits. Il allait les prendre, mais ils lui échappaient subitement, et à leur place, il voyait le tailleur paralytique, sa femme, son fils et Marthe. Il se réveilla, les membres endoloris, brisés de fatigue et de fièvre. On lui apporta une lettre déposée dans la boîte de l'hôtel par une main inconnue. L'adresse était écrite en caractères semblables aux caractères d'imprimerie. À l'intérieur, en même caractère, le billet suivant. Le roux Saint-Berton est averti qu'il est brûlé. Qu'il s'en aille, sinon il lui en coûtera gros. Il comprit qu'il avait été attiré dans un piège. Il en acquit la preuve palpable en allant faire un tour dans la forêt. Il y retrouva sans peine l'endroit où il était tombé. Et à cet endroit, il reconnut qu'on avait tendu une corde en travers du sentier. D'un côté, le bois d'un arbuste portait la trace du frottement de cette corde. De l'autre, c'était mieux encore, pour en finir plus vite, les bandits l'avaient coupé, en laissant la partie nouée autour du tronc d'un jeune chêne. « Ah, se dit le policier, « j'avais deviné juste. Ce sont bien là les assassins que je suis chargé de rechercher. Ils ont peur de moi, car ils m'ont attiré dans un guet-apens, dans lequel j'ai sautement donné tête baissée. Eh bien, soit. Ils m'annoncent par ce premier avis que la guerre est déclarée entre eux et moi. J'accepte le défi. Lui sais-je, il est si ma peau. Je ne reculerai pas. »